penser que les docteurs ne soignent que les maux du corps, que le book ça ne va qu'à Tony Stark et que Sherlock ne peut pas atterrir dans l'univers Marvel, eh bien montez le son de votre radio, vous êtes toujours sur Radio Campus Montpellier sur le 102.2 et c'est Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir l'univers du comics. Alors contrairement à la semaine dernière, cette fois mon équipe est avec moi et en plus j'ai deux petits nouveaux. On va dire bonjour aux deux petits nouveaux. Bonjour. Salut Thomas, salut Ruby. Bonjour. Alors c'est Ruby et Thomas qui sont avec nous et il y a Mathieu. Salut, ouais, de retour après une semaine de vacances. De retour après une semaine de vacances de malade ici, je crois. C'est pareil. Et Gilles devait être là, mais finalement, il est en retard. Je ne sais pas si on aura le droit à l'arrivée de Gilles au cours de l'émission, on ne sait pas. On va commencer par présenter les deux petits nouveaux. Alors, c'est Thomas et Ruby de Le Geek Chic, l'émission. Exactement, la chaîne Le Geek Chic sur YouTube. Que vous connaissez peut-être si vous avez écouté les vieux podcasts où ça durait 3 heures et on parlait, voilà. on s'engueulait sur Batman. Les vieux podcasts il y a deux mois, hein, bon. Oui, bon, c'est. Et donc, bah voilà, comme c'est les vacances, on a le droit, ils ont le droit de venir avec nous. On a le droit de revenir parce qu'on a un emploi du temps de merde. Voilà, c'est voilà. Exactement. Et bah, est-ce que vous êtes content d'être de votre première radio? Première radio. Ouais, c'est sympa, j'aime bien. Ok. Ça va être cool. Et bah, on va commencer tout de suite les news. Super générique, hein. Ça donne. Hein. Oui, ça il donne, est super, hein, ce générique. Il y a un truc de fou, là. On va le dire à chaque fois. Alors, on va commencer les news par, je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a deux petits trailers qui ont spoté la semaine dernière. C'est on va commencer par le moins bon en premier, celui de Logan, le film dont on avait déjà parlé le la semaine bon. Dernière. Le moins bon. Ouais. Bah, le moins bon des deux. Vraiment, on n'a pas le choix ici, hein, c'est lui qui. Oui, voilà, voilà. Ok, donc attention, Logan. Il y a une règle qui est implicite pour l'instant, je ne dirai pas. Mais. Vous l'avez entendu si vous avez vu la conversation. J'étais en train de dire, oui, le moins bon, j'en ai parlé la semaine dernière du film de, j'ai oublié le nom du réal, mais de la Fox, donc de Logan qui va parler, le dernier film de Hugh Jackman en Wolverine. Et on a vu un premier trailer assez, assez esthétisé avec de la musique de Johnny Cash. Ouais. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Ruby? Franchement, moi j'ai trouvé que les images étaient super belles. J'adore la photographie du film, je pense que c'est le gros point positif en tout cas. Et je pense que ça va être un très bon film, il y a moyen. Ok, vas-y Thomas. Faut savoir que Logan s'est un peu inspiré du comics Old Man Logan. Oui, je le disais la semaine dernière. Voilà, et qu'il y a plein de personnages qu'on pourra pas retrouver qui étaient dans le comics, du genre Hulk, et qui étaient vraiment importants. Oui, parce qu'ils sont à Marvel, du coup ils sont pas à la Fox. Du coup, ça m'énerve un peu, mais le film a l'air d'être vachement bien à part ça. Comme parce que pour dit, les gens qui l'auraient pas compris, nous on trouve que c'est implicite. Enfin, c'est un film de la Fox, donc les personnages des mutants, et malheureusement, la Fox et Marvel Studios, donc Disney, n'ont pas. Enfin, ils ont juste les mutants et ils ont pas. Ils ont pas Hulk, ils ont Avengers, pas Spider-Man, tout ça. Et tout cela. Donc ils ne peuvent pas faire interagir les personnages. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ça a l'air plutôt sympa à part ça. Mais c'est juste mon côté fanboy qui me dit il n'y aura pas Hulk. Et toi, Mathieu, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, ça changeait un peu des deux premiers. C'est James Mangold, le réalisateur, qui avait fait le deuxième aussi. Là, pour le coup, ça tombe bien que Jackman, il commence à prendre un peu de l'âge. Stewart aussi, qui fait Xavier. Et là, pour le coup, ils ont l'air vraiment de suivre plus le comics, un truc un peu dark, un peu. Ça a l'air d'un espèce de road movie bien violent. La com était cool en plus, ils avaient pas mal fait de photos en noir et blanc. Oui, on en a parlé la semaine dernière. Ouais, qui donnait pas mal envie, donc. Ouais, moi je suis curieux aussi. Et ce qu'on avait juste, on sous-entendait la semaine dernière en disant ouais, ça se trouve c'est ça. Donc on parlait de X-23, le personnage qui doit arriver dans le film. Et en fait, on se disait ça se trouve c'est la petite gamine. Et ça a été confirmé que c'était la petite gamine. Donc moi je trouve ça cool. Le film hype un peu, mais j'ai peur que ça soit pas assez. Ils partent sur un film rated R, donc un film interdit au moins de 17 ans, je crois, aux États-Unis en tout cas. Ça soit pas assez trash. Et moi j'ai peur que ça soit pas assez trash. Qu'ils n'aillent pas assez dans le délire trash. Après, tu sais, le rated R aux États-Unis, tu peux montrer des choses horribles que tu trouves horribles en France, et puis c'est quand même particulier, quoi. Ça peut être trashouille. À la limite, tu peux montrer du sang et des tripes, mais pas du cul, quoi. Mais je pense que Deadpool les a menés sur la bonne voie. Ouais, ils ont montré qu'il y avait moyen de pognon. Ils laissent plus de liberté, je pense. Ouais, mais après, aux États-Unis, c'est pas non plus les mêmes. C'est pas du tout pareil qu'en France pour les règles de films. Par exemple. Le CSA, c'est pas les mêmes. Enfin, je sais pas, c'est ça qui gère. Il y a des normes beaucoup plus différentes qu'en France, du coup. Déjà, dans la bonne annonce, tu vois un mec qui prend des griffes à travers la gueule et ça sort par le crâne. Ouais. Pas mal. On va passer à un autre film. Le film qui me hype, je pense que c'est le film que j'attends en 2017. Parce qu'il y a Chris Pratt. Parce qu'il y a Chris Pratt dedans. Mais pas que, puisque. en fait, c'est le trailer des Gardiens de la Galaxie et les Gardiens de la Galaxie 2 et qui moi me tente beaucoup beaucoup. Oh. Je retrouve vraiment directement l'ambiance du premier et c'est assez cool avec le petit Ouka Chaka. Ouais, la musique mais. L'ambiance, ouais, elle a l'air vraiment pareil que dans le premier. Le petit Groot est vachement mignon, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi j'ai entendu dire qu'il y avait plein mal de gens qui disaient que le premier était une surprise et j'ai peur que maintenant qu'il soit attendu, ce sera pas comme c'était plus une surprise. Que ce soit je pense que James Gunn c'est un réalisateur qui peut nous surprendre et je pense qu'il a plein d'autres idées en tête. Puis on sait qu'il va sûrement y avoir un personnage qui va mourir important. Je pense qu'il va pas mal marquer ce Gardien de la Galaxie. Okay. Petit tour de table, est-ce que tu as hypé Mathieu? Faut dire qu'on voit pas grand chose dans le trailer. Oui, tu vois que ça ressemble au premier, mon c'est avis, tu rassures tout le monde quoi. Ça va être compliqué parce qu'effectivement il va falloir qu'ils gardent sur le ton du premier parce que ça avait quand même bien marché, mais arriver à booster, à montrer d'autres trucs. Mais moi j'ai assez confiance, James Gunn il a une bonne équipe en plus, ça peut être funky. En fait moi je m'attendais plus à un trailer qu'à un teaser parce que là c'est plutôt un teaser, il y a vraiment pas grand chose, mais en tout cas niveau image et tout ça a l'air d'être pareil que dans le premier film. C'est encore plus beau que le premier. La photographie, est à l'air beaucoup plus jolie. Le filtre qu'ils utilisent, c'est filtré en fait avec des couleurs vraiment géniales. Et je suis très hypée par ce film en effet. Ok, Thomas ? Ça va, ça a l'air sympa. Il y a petit Groot là. On va passer à une autre news. Et une news un peu triste, et c'est Matt qui va nous en parler. Donc une fois n'est pas coutume, on va commencer par une news un peu triste, avec le décès de Steve Dillon, qui est un artiste britannique qui s'est éteint samedi dernier à 54 ans, connu notamment pour avoir créé Preacher avec Garcenis, son compère de toujours quasiment. Avec eux, il a travaillé sur Hellblazer, il a fait un run très important, il a travaillé beaucoup sur Punisher aussi. Enfin, ça fait partie de cette vague d'artistes anglais qui avait énormément marqué les comics, qui avait apporté beaucoup. Pour l'instant, on n'a pas trop d'informations sur le pourquoi. C'est assez soudain parce qu'il est en train de dessiner justement Punisher aux États-Unis. Donc voilà, c'est triste de voir quelqu'un comme ça. Enfin, moi, en tout cas, en plus, j'ai lu tous ses comics aussi quand j'étais un peu plus jeune. J'ai découvert tout le label Vertigo avec lui. Ça fait un petit quelque chose. Je pense que les gens en plus le redécouvrent maintenant et que. Vu que la série Preacher est sortie, les gens commencent à lire les comics. La ressortie de Urban qui mise là-dessus. Bon, après, moi je connais pas très bien cet artiste. Il a un côté très franco-belge, moi j'apprécie un peu moins. Je l'avais beaucoup aimé sur Hellblazer, la sortie par Urban, Hellblazer par Garcenis, où je l'avais trouvé ça super mignon. Mais après, c'est triste, on va dire, c'est triste. Forcément. Ouais, passons à un truc un peu plus joyeux. Un peu plus joyeux, en effet, parce que Jessica Jones, donc la série sur le comics, va la retrouver pour une saison 2, mais en 2018. En 2018, oui. C'est ça, c'est un peu dans longtemps. Mais ce qui est bien, c'est que ça va être super féministe, étant donné que toutes les réalisatrices vont être des femmes. Enfin, voilà, donc on va avoir droit à une série sur les comics qui soit vraiment féministe et qui va, j'espère, diffuser des bons messages un peu pour changer. Contrairement à la première saison où sur les 13 épisodes, il n'y en avait que 4 qui étaient réalisés par des femmes. Là, c'est complètement une équipe créative totalement féminine. En plus, les meilleurs, forcément. C'est progressiste et c'est cool de la part de Marvel de partir vers là. Vous avez un avis, Thomas. De toute façon, Marvel, ils font plein de trucs comme ça. Enfin, même avec toutes les séries comics qui commencent à sortir sur plus de personnages féminins. Je pense que c'est une bonne initiative. Après, je pense que même une fille peut se reconnaître dans un personnage masculin, mais... Exactement. Voilà. Moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait plus de trucs. Ouais, ça fait de la diversité en plus, c'est cool. Mathieu, t'as peut-être un petit avis. Après, c'est un peu bourrin. Je sais pas si... c'est aux États-Unis, c'est pas grave. Ils ont fait aussi la série sur Black Panther où tous les artistes sont des Afro-Américains. Ouais. Bon, bref. Bon, on parle d'un pays qui a peut-être Donald Trump comme président. Il part de très loin. Donc non, c'est bien, c'est une bonne idée. C'est vrai que Marvel se bouge beaucoup, même dans les derniers personnages, Miles Morales qui est latino. La nouvelle Iron Man, Riri Williams qu'on parlera après. C'est bien ce qu'ils font, il faut qu'ils continuent. C'est cool. Bon, passons à une autre news. Alors on va, même s'il n'est pas là, on pense à lui quand même. Maxime, on pense à toi. On pense toujours à lui, surtout James. Parce que nous à la limite. Oui, je pense à toi Maxime. Il est à Londres en ce moment, donc peut-être qu'il écoutera ce replay plus tard. Et donc je fais cette news, même si normalement c'est à lui de la faire, puisque c'est lui le monsieur chiffre de chez Comics Discovery. Et il nous en avait parlé il y a, je sais pas si tu t'en souviens, la théorie du complot de Time Warner. C'était long. En fait, il avait comme, il y avait des grosses rumeurs comme quoi Time Warner, que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui qui a CNN, HBO, qui a des grosses licences comme Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, mais surtout DC Comics qui nous intéresse nous. Time Warner avait des grosses rumeurs de rachat, notamment par Apple. Et selon Maxime, donc on va partir. Donc là, c'est vraiment de la théorie du complot à fond. Selon lui, les films donc Suicide Squad en premier étaient moins bons parce que Time Warner me faisait pas d'efforts, faisait exprès de faire des films qui de ramasseraient moins d'argent pour ne pas être acheté par Apple. Donc voilà, et en fait c'était sa théorie, et finalement ce n'est pas Apple qui a racheté Time Warner cette semaine, c'est AT&T, donc le leader des télécoms mobiles aux USA, qui a racheté Warner pour 85 milliards de dollars, et ça fait un peu rager les politiques américains, notamment Donald Trump, qui a dit que ce deal était un déni de démocratie, parce que selon lui, ça fait ramener des trop grosses corporations qui ont trop de trucs, et donc voilà. Je trouve ça quand même faux qu'on ait pu parler deux fois de Donald Trump dans cette émission. Ouais. C'est la caution. En moins de 10 minutes en plus. Hein. Bon, en même temps, on parle de comics. Hein, donc, Toujours accès aux États-Unis. Ouais. Ouais, voilà. Donc passons à une autre news un peu plus intéressante cette fois. Alors, Deadpool a perdu son réalisateur qui était donc Tim Miller à cause de une petite tension entre Ryan Reynolds et Tim Miller, justement. Parce que Ryan Reynolds voulait plus un film drôle et axé plus sur l'humour noir de Deadpool, un peu avec son humour misogyne, tout ça. Et Tim Miller était plus axé sur une réalisation plus poussée. En fait, Tim Miller a une société d'effets spéciaux et il voulait utiliser ça pour faire un film beaucoup plus beau et beaucoup plus poussé au niveau de l'esthétisme. Voilà. Et donc aussi, il y a eu un problème avec l'acteur de Cable qui devait être interprété par Kyle Chandler et dont Ryan Reynolds disait qu'il était trop jeune pour l'interpréter. Ouais. Donc, et du coup, la Fox s'est passée sous son avis, elle a dit oui, bon, bah, il a raison. Et finalement, Tim Miller est parti. Et du coup, quels sont vos avis? Tim Miller est parti. Bah, moi, je trouve que Tim Miller a fait un travail assez sympa sur le premier. Et je trouve ça dommage qu'une équipe créative se casse à cause de... Deadpool enchaîne pas mal les problèmes du genre, puisque ils ont mis 30 ans à se trouver sur le le contrat de Ryan Reynolds qui voulait beaucoup plus de fric, et du coup un film qui enchaîne ce genre de problème, c'est jamais très bon. Dommage, j'aimais bien Ryan Reynolds. Ouais, visiblement ça faisait partie du packaging de problème, c'est qu'en plus de la plus-value financière que Reynolds se met dans la poche, il voulait un peu plus de contrôle créatif. Ouais, et là sur les castings, sur les scénarios, tout ça. Et effectivement, la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils ont donné raison à lui. Ça craint, parce que c'est quand même pas non plus créativement parlant, je pense pas à lui en premier. C'est qu'un acteur. Hein, donc. Mais il faut se dire quand même que c'est grâce à lui qu'on a eu ce Deadpool, hein, le premier film Deadpool. Mais c'est grâce à Tim Miller d'abord. C'est lui le réalisateur. Ça reste à voir. Ouais, mais après, si ça nous donne un Deadpool 2 beaucoup plus trash, franchement, je dis pas non plus. Hein, on va pas. Ouais, moi, un des problèmes que j'avais du film, c'est que je le trouvais pas très. Enfin, que ça sentait le cheap. Et si c'est pour avoir un film cheap avec des effets spéciaux aussi. Enfin, ils sont pas ouf les effets spéciaux. Non, mais c'est un genre. Pas, franchement, c'était un peu un parti pré-artistique. Non, tu peux pas dire le cheap, c'est un parti pré-artistique. Non, mais ça va, c'était pas non plus. On n'a pas d'argent, donc c'est un parti pré. Non, moi je trouve franchement, avec le peu de moyens qu'ils avaient, ils ont fait un bon truc. En plus, ils ont rigolé avec la blague sur l'X-Men. Ouais, marrant. Exactement, je pensais à ça. Ouais. Ok, bon bah on va passer à une autre news. Et c'est moi qui vais vous parler de Marvel, qui malgré son progressisme est encore un peu puritain, parce que je ne sais pas si vous connaissez le dessinateur J. Scott Campbell, donc qui était très très connu pour ses covers et pour Danger Girl notamment. Donc il avait fait une variante cover pour Midtown Comics, donc Midtown Comics c'est le un des plus gros comic shops du monde, je pense. C'est un gros comic shop. Jérusalem, plus la Mecque, plus... voilà, c'est un gros comic shop à New York. Et pour beaucoup de séries, J. Scott Campbell faisait des variant covers qui étaient juste dans ce comic shop. Et il en a fait une récemment pour la série Invincible Iron Man, où c'est Iron Heart, ou Riri Williams, dont on a parlé tout à l'heure, qui Iron reconnaît Man le costume. Donc c'est une fille de 15 ans. Et je ne sais pas si vous avez vu la cover, et donc en fait elle est un peu elle est pas dévêtue, elle est en position c'est comme n'importe quelle position de un peu lassif, mais elle a pas beaucoup de je crois que tu vois le nombril, c'est ça. Ouais, tu vois le nombril et ça a fait rager les fanboys, et du coup Marvel a été obligé de retirer la cover alors que c'était juste une cover. C'est pour n'importe quoi. Ouais. Comment on peut reprocher ça à J. Scott Campbell? Ce dessinateur fait que des dessins de femmes et bien encore, en avant. C'est pas le pire, hein, franchement. Ouais, j'en ai vu des sûrement pas le pire, mais la cover en plus, il y a vraiment rien quoi. Puis souvent on crache en disant qu'on hypersexualise les. Elle est même pas sexualisée là. Enfin. Oui, là elle est même pas hypersexualisée, mais on crache souvent en disant les filles sont hypersexualisées dans les comics, mais les mecs aussi en fait, oui, c'est oui, des icônes. Voilà. Enfin bon, c'était un petit coup de gueule ouais. de ma part. On va passer à une autre news. Et c'est Mathieu qui va nous parler des X-Men. Ouais, alors ça bouge du côté des X-Men. Alors pour le coup, on parle en VO. Donc, oui, en VO. Oui. À l'heure actuelle, est en train de sortir le crossover Death of X, qui a fait beaucoup aux parler États-Unis. Aux États-Unis. Ouais, le numéro 2 est sorti ce mois-ci, qui a fait beaucoup parler parce que c'est la mort du X. La mort des X-Men. La mort, ouais, voilà. À un moment donné, il y avait des grosses rumeurs comme quoi Ils allaient les faire remplacer par les Inhumains. Tu vas finir toutes mes phrases. Oui, voilà. D'accord. Mais c'est parce qu'on est tellement connectés que. C'est ça, ouais. C'est le remplace Maxime, en fait, dans la production. Ouais, non, voilà. C'est ça, ouais. Les rumeurs c'était que Marvel Comics allait flinguer les X-Men en comics pour pouvoir flinguer la franchise cinéma, enfin des, voilà, encore des histoires de gros sous, c'est pas forcément vrai. Du coup ils ont sorti ce nom de ce crossover où ça tabasse fort entre X-Men et Inhumans. Ouais. Et le crossover n'est même pas fini, que déjà il parle de la suite qui sortira en mars 2017, un event qui s'appelle Résurrection. Donc, avec le X bien voilà, marqué. Il ouais. y a le X et puis il y a un unicorn inhumain en plein milieu. Et le gros point à retenir, c'est que après cet event résurrection, ça va être un énorme retour en arrière. Alors c'est un peu vilain de dire ça. On va retrouver, ils veulent retrouver l'ambiance des comics Chris Claremont, un peu peut-être Jim Lee début années 90, un peu coloré, un peu funky, avec des mutants qui ont des pouvoirs, qui se battent contre des méchants, qui redeviennent des héros, des trucs un petit peu plus éloignés que l'ambiance morose qu'il y a de ces dernières années où ils se font un peu chasser par tout le monde. Et du coup, ils ont annoncé cette série. Ouais, du coup, ils ont envoyé du bois direct. Alors, il y aurait une série sur Jean Grey, sur Iceman, Cable, Génération X, ce qui est quand même une série emblématique des années 90, et par surtout, Chris Bacalo notamment. Et surtout X-Men Blue et X-Men Gold. Ouais, X-Men Blue, X-Men Gold. Alors, là, si je me rappelle bien, ça rappelle énormément justement la. Bah, c'est les teams de Chris Claremont. Voilà, où c'est y avait les bleus et les. C'était, oui, c'était Claremont et Jim Lee, je crois, au tout début de la série X-Men. Ouais, donc c'était l'époque vraiment funky, colorée, bourrée d'action des X-Men. Donc why not, on va voir ce que ça donne. Donc essayer de remiser un peu sur l'X-Men, même s'ils avaient dit qu'ils... Voilà, ça fait un petit moment que ça vivote hein, quand même l'X-Men. Ça serait un peu con de se séparer des X-Men quand même pour oui, Marvel. Oui, c'est quand même une grosse. Oui, non, mais à mon avis c'était des rumeurs. Ça, ça ferait plus perdre d'argent qu'autre chose en fait, ouais, finalement. Ça vend l'X-Men, c'est des vaches à lait. Faut arrêter. Moi j'y croyais pas trop ces trucs-là. Ok, est-ce que ça vous fait plaisir de revoir les... Vous êtes pas très X-Men toi. C'est plus Team DC de ce côté-là de la table. Ouais. Non, je... ça va, hein, Marvel. Hein. Je suis pas comme ouais, ça. Plutôt Marvel, ouais. Ouais, t'es tout seul, j'aime ça. Allez vous faire foutre. Non, du coup, mais... ça vous a peu pas. Alors moi j'ai pas trop d'avis sur les X-Men, c'est pas vraiment ma team préférée dans les Marvel, on va dire, donc Bah moi j'aime beaucoup les X-Men après, mais je m'y connais pas de ouf, mais en tout cas j'avais vraiment peur quand même qu'ils se séparent pour mettre juste les Inhumans. Ouais. Mais à mon avis, je pense que vu qu'ils ont vu que Inhumans ça marchait pas si bien que ça, ils sont ouais, dit ça vend pas. Ils se sont dit bon, on va remettre les X-Men parce que Inhumans c'est pas des personnages qu'on connaît tous forcément, genre non. Medusa encore, Flèche Noire, ouais, c'est pas Goldor, ils sont marrants, c'est des personnages okay. Un peu. Je vous coupe, on va passer à une autre news. Ok. On est un peu pressé. On va passer aux news Star Wars. Et alors, il y avait deux news Star Wars assez. Enfin, c'était un peu pour. En fait, j'avais très envie de parler de quelque chose, donc on va finir sur ça. Je voulais vous parler du comédien qui va jouer Lando Calrissian, dans le film de Phil Lord et Chris Miller sur Han Solo. Et en fait, c'est quelqu'un que j'aurais très bien vu jouer Spider-Man. Et c'est Donald Glover, donc, qui était dans Community. Est-ce que quelqu'un connaît Donald Glover autour de la table? Vous n'avez aucune culture? Non. Alors je connais Community, mais alors bon. Et bah c'est voilà. Troy dans Community. Je connais Lando Calrissian. Et bah voilà, il va jouer Lando Calrissian. Et même si le choix de Alden, le mec a un nom imprononçable. Est-ce qu'il lui Alden ressemble un peu? Ehrenreich. Alden Reich. Pour Han Solo est un peu discutable. Enfin. Ouais. Donald Glover, je trouve que c'est vraiment un super choix. Et Thomas, tu voulais nous parler vite fait de... De Daisy Ridley, l'actrice de Rey dans Star Wars épisode 7, qui a annoncé dans une interview qu'on connaîtrait pas ses origines avant Star Wars épisode 8. Donc on a encore un peu de temps avant de savoir un peu plus. Ok, et on devait faire un petit report de la Comic-Con, mais on le fera après la pause musicale. On va faire une première pause musicale et ça va être dans le même thème, puisque c'est Donald Glover qui va nous faire une petite musique, puisqu'il est aussi rappeur sous le nom de Shabby Jamino. Et c'est Shabby Jamino, et j'ai oublié de noter le nom du morceau, je le saurai après. À tout de suite. Over, I'll never be sober. I couldn't believe, but now I'm so high. Your problem, 'cause I know it's hard sometimes. Maybe just give it some time. Oh, honey, now, girl, we can solve them if you'll just give me some time. I can open up your mind if you let it shine. You can free your mind, 'cause I know. To me, oh honey, now girl, give it one night. If you'll just give it a chance, loving you is not my plan. 'Cause I know one day you'll see all the things that we can be. Oh, no, no, no. J'adore cette chanson. C'était Sober de Childish Gambino, donc Donald Glover dans la vraie vie. Vous êtes toujours sur le 102.2 sur Radio Campus Montpellier et c'est Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde du comics. Et on devait partir sur une review, donc une review très Doctor Strange, mais on a un petit report de la Comic-Con Paris. Par Ruby. Vas-y. Eh bah écoutez, je suis allée à la Comic-Con donc samedi dernier. Et à Paris, ouais, du coup, ouais, à la Villette, au Grand Hall. Du coup, j'ai été un petit peu déçue par la convention, parce qu'en soi, il n'y avait pas énormément de choses à faire. Les stands, c'était les magasins de Paris qui sont venus, du coup, pas trop de nouveautés. Et c'était très très basé, séries télé et pas assez comics. Enfin, en tout cas, pour les comics, il y avait uniquement des ventes de comics, donc bon, pas très très original. Il n'y avait pas Urban Comics. Il ouais, n'y avait pas Nini, mais il n'y avait pas Urban. C'est ça, exactement. Après, c'était franchement pas mal niveau ambiance, il y avait quand même pas mal de gens cosplayés, des trucs comme ça. Et j'ai pu rencontrer Elisa Dushku, donc qui joue Faith dans Buffy. On va dire que ça a été le point fort de ma Comic Con, malgré l'attente pour la voir. Et voilà, et après aussi grosse déception, parce que donc Carice Van Houten, qui joue Mélisande dans Game of Thrones, a décommandé. Dominique Purcell, qui joue dans Prison Break, a décommandé le samedi. Katie Cassidy a décommandé le samedi. Du coup, voilà, un peu grosse déception. En même temps, t'avais vraiment envie de voir Dominique Purcell. Bah ouais, j'adore Prison Break. Mais voilà, du coup, j'ai pas pu assister à leur conférence. Ils sont tous morts dans leur série, ça va. Ah là là, on s'en fout mais pas. Mais Katie Cassidy, justement, elle est plus morte. Elle était morte avant et maintenant elle est revenue. Donc elle a plus besoin de thunes pour. Ben voilà, du coup, en tout cas, Mélisandre de Game of Thrones, j'étais un peu dégoûtée. Et voilà, donc en gros, Comic-Con, si vous avez un acteur à voir, ok, mais n'y allez pas comme ça. Il n'y avait pas tellement de dessinateurs, il n'y avait pas trop de... Bah, j'en avais parlé, je crois que j'en avais parlé dans les comics. Le prix, de la, je sais plus, j'avais le prix en tête. Le prix des tables pour les artistes allés, donc pour les artistes qui viennent vendre leurs dessins et viennent faire des commissions, était genre 20 fois plus haut que les autres commissions normales. Ça se ressentait parce que du coup, leur commande était super chère. Mais et même les achartiers n'avaient pas de table. Ah bah. Je crois que c'est des gens de Panini qui l'ont prêté un bout de table pour qu'elle puisse. Parfait. Parce qu'à la base, elle n'avait pas acheté de table parce que c'était trop cher. Mais après, ouais, ça, franchement, ça se ressentait. Les prix étaient vraiment très très chers pour commander des choses. L'entrée et il n'y en avait pas cher. Beaucoup. Bon, 21 euros pour une convention aussi grande, ça va. C'est pas 22 ? C'était 21. Oh. Non, moi j'ai payé 21. Après, bon, il y avait quand même des stands de canailles, il y avait les stands, il y avait un stand Arrow avec les répliques, enfin avec les costumes du film. Il y avait, pas mal de choses intéressantes, mais bon, en une heure on avait fait le tour. Ça ne hype pas James du tout. Pas du tout. Je déteste aussi, mais voilà pour les fans. Donc c'est au-delà de pas de la hype. Après voilà, en une heure on avait fait le tour de la convention. Quand on peut pas sortir pour rentrer après, du coup moi je suis arrivée à la première heure et j'ai dû attendre jusqu'à 16h30 pour les dédicaces. Et je me suis un peu ennuyée quand même, voilà. Donc bon, mitigée un petit Alors, peu. J'ai une news en direct de Faye qui me dit que Mélisandre a eu un bébé, donc c'est pour ça qu'elle n'a pas pu venir. D'accord, bon bah alors c'est pardonné, c'est pas grave. Elle a eu un bébé comme D'ailleurs, ça, elle a fait un coucou. Petit coucou à Faye qui nous écoute. Ok, bon bah écoutez. Voilà, et voilà. Bah, bon, bah, du coup, elle a un bébé. C'est là. Juste un bébé normal, la déception. Fumée. Ah, je sais pas, c'est dans Game of Thrones, je préfère pas savoir. C'est pas la déception totale, mais voilà, un avis mitigé. C'est pas la meilleure convention que j'ai faite. C'est la plus nulle, enfin. Non, c'est pas la plus. Alors, bizarrement, c'est vraiment pas la plus nulle quand même. C'est laquelle la plus nulle ? La Japan Expo Sud. Ah. Voilà, c'est pas dans le même registre, mais c'est vraiment une convention de merde, n'y allez pas. Et ouais, donc ça franchement. Dénonce. Ça balance, ouais. Ça balance un peu, mais c'est. Discovery, on fait de l'anti-pub. Voilà. Anti-pub Japan Expo Sud. N'y allez pas, et c'est bah vraiment pour les gens qui attendaient une vraie convention comics à Paris, enfin en France tout du moins. Non, pas de on va pas dire, il y a des grosses rumeurs qui à mon avis sont vérifiées, sont fondées, ouais, sur le fait que bah malheureusement il y aura pas de PCE cette année. Il reste un espoir. Il y a aucun espoir, mec. Tu seras déçu. Il y aura pas de Paris Comics Expo qui était génial l'année dernière. Finalement ils ont pas, parce que c'est une convention amateur et ils ont pas Melty derrière. Meilleure convention ever. Ouais. Tellement vrai. Donc je trouve ça vraiment dommage. Et on va passer à la review. Passons à la review. Et on va vous parler de Doctor Strange. Comme c'est étrange, mais ce n'est pas du tout d'actualité puisque le film sort demain. Et on va vous parler de du comics qui est sorti récemment chez Panini Comics par Jason Aaron et Chris Barcalo. Et avant de commencer de parler directement du comics, Mathieu va nous faire un petit laïus sur le personnage. Laïus. Qui est Doctor Strange? Qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Qu'est-ce qu'il a comme pouvoir? Est-ce qu'il mange des pâtes à midi? Voilà. Non, là, toutes ces réponses. Tu aurais lu le comics jusqu'au bout, tu verrais qu'il mange pas de pâtes à midi. Je le dis, j'ai pas eu le temps de finir le comics. Voilà. Ah, c'est pas bien. Ça pas balance. Un petit peu d'histoire. Donc, rapidement, le personnage a été créé en 1963, dans le début de ce qu'on appelle le Silver Age aux États-Unis, c'est-à-dire un retour en grâce de beaucoup de personnages et de super-héros. À ce moment-là, chez Marvel, il y a Stan Lee et Jack Kirby qui s'amusent à créer des personnages un petit peu connus, genre les 4 Fantastiques, les X-Men, les Avengers, Hulk, Iron Man, tout ça, ce qui est quand même pas mal. Et à côté de ça, le dessinateur Steve Ditko propose le concept du personnage de Doctor Strange. Donc Steve Ditko, pour le replacer, c'est un des créateurs de Spider-Man. Et voilà, qui justement a créé aussi Spider-Man avec le toujours partout Stan Lee. Alors Stan Lee pousse la création du perso, mais pas tant que ça. Du coup, l'éditeur est un peu frileux et les aventures commencent dans une anthologie. Donc une anthologie, c'est un fascicule avec plusieurs petites histoires. En général, c'est le bon moyen de tester des concepts, des personnages ou des artistes. Et ça commence dans le Strange Tales, numéro 110, en 1963. De là d'où tire le nom du personnage Doctor Strange. Et c'est un perso d'entrée, on le découvre, il n'a pas trop évolué en fait. C'est un chirurgien assez arrogant, assez égocentrique, orgueilleux, qui suite à un accident de voiture perd le contrôle, enfin perd la maîtrise un peu de ses mains, ce qui l'empêche de... Pour un chirurgien c'est un peu embêtant. Du coup descente aux enfers et il finit par en dernier recours entendre parler d'un espèce de vieux mystique au Tibet qui du coup va le voir et finalement il suit son enseignement, il part sur une toute autre voie qui est la magie. C'est ce que représente Doctor Strange dans l'univers Marvel, c'est tout ce côté magique, jusqu'à ce qu'il devienne carrément un sorcier suprême de la Terre. Alors l'inspiration de Ditko, bon, y a pas mal d'idées et de théories qui circulent. En grosso modo, à ce moment-là, il y avait quand même pas mal de hype autour de tout ce qui est mystique extrême oriental, pas mal de personnages qui apparaissent comme ça, notamment Iron Fist qui apparaît au même moment, dont on verra les aventures télévisuelles l'année prochaine. Et donc au début, par Ditko qui est dessinateur scénariste et par Stan Lee qui est dialoguiste, c'est très barré, c'est ultra psychédélique, c'est très onirique, c'est ça part dans années 60, donc voilà, années 60, c'est vraiment voilà. C'est assez barré dans tous les sens. L'un des gros points positifs aussi, c'est tout le jargon qu'apporte Stan Lee, l'œil d'Agamotto, les bracelets de Sitorak, tout ça, tous ces machins, tous ces name dropping un peu mystérieux qui apportent beaucoup justement au charisme du personnage parce que justement, c'est pas ce que c'est, est-ce que c'est un démon, est-ce que c'est une planète. Il y a un peu de background derrière. Voilà, on sent bien que ça a été un peu creusé. Fin des années 60, la Marvel arrête sa politique d'anthologie. Doctor Strange, qui connaît un certain succès, continue sur sa série en solo, qui se prend un four, hélas, assez rapidement. Par manque de vente. Entre temps, Ditko et Lee se sont barrés ailleurs et ils se sont fâchés aussi par la même occasion. Début des années 70, on retrouve le perso dans une équipe qui s'appelle les Defenders, qui est une équipe chez Marvel qui a un peu de tout en fait, c'est un fourre-tout qui apparaît de temps en temps. Là, il y avait Namor, le surfeur d'argent et Hulk. C'est un peu les Avengers du pauvre en fait. Voilà, c'est les Avengers, c'est un V2, V3, ouais, c'est pas un spec extraordinaire. Bon, c'est pas terrible, mais au moins le perso garde un peu de visibilité. En 74, il y a une nouvelle série qui commence, qui connaît un peu de hype en pleine période disco, notamment un film assez lourd en 1977. Oui, donc, la partie que Gilles devait nous présenter. Vas-y Gilles, parle-nous du film. J'ai juste vu le trailer tout à l'heure en fait. Ah, parce ça pique. Ça pique beaucoup les yeux. Ah, ça pique. Alors, c'est téléfilm de CBS des années 70 où c'est Magnum en gros et moche qui est Doctor Strange. Et c'est très pathétique. Bah, c'est dans la même veine que je sais pas si vous avez vu le vieux film Captain America. Ah oui, c'est pas moche aussi, les films italiens qui sont très très moches. Ou même la série Hulk est un peu mieux au niveau peut-être de l'écriture. Oui. Mais dans l'esprit des effets spéciaux, c'est un peu la même chose. Voilà. Donc c'est best. Donc la série en l'occurrence marche pas trop mal. Il y a notamment un run de Roger Stern qui est assez cool et assez funky. Malgré ça, ça se casse la gueule au bout de 80 numéros. On est en 1987. La série est relancée immédiatement, quasiment sans pause. Là pour le coup, il n'y a pas vraiment de moments assez marquants, même s'il y a du Warren Ellis qui scénarise à un moment donné. La série s'arrête à nouveau en 96. Après, pas grand-chose, traversée du désert du personnage, début des années 2000, quelques mini-séries, mais rien de bien remarquable, notamment une par Brian K. Vaughan, où Doctor Strange copine avec l'infirmière de nuit, qu'on voit dans les séries. Qui est ressorti il n'y a pas longtemps. Qui est ressorti du coup il n'y a pas très longtemps, ils en profitent pour... C'est peut-être le seul truc qui est resté un peu sympa. Le scénariste Brian Michael Bendis le récupère dans ses New Avengers en 2007, et lui fait faire partie des Illuminati, qui est un grand groupe de super-héros Marvel qui gère... Ouais, et en ce moment il est important quand même dans voilà, pour le coup il revient, alors pas forcément en solo jusqu'à présent, mais il revient quand même à un rôle assez important, même si ça a souvent été un personnage important, genre un peu celui qui va arriver pour faire le ex-machina. Bah c'est un peu, dans les c'est un peu Red Richards mais en magicien quoi. Ouais, c'est souvent c'est ça, c'est le sage, mais c'est, voilà, souvent c'est celui, plein de c'est le mec qu'on va chercher quand on a un problème avec la magie quoi. Ouais voilà, c'est lui à chaque fois. Spider-Man dès qu'il a un problème avec la magie, Doctor Strange. Ouais, le truc avec Mephisto, c'est pas lui qui l'a réglé Alors attends, avec Mephisto non, c'est Mephisto tout seul qui a décidé. Non, mais il y avait un problème, mais je crois que c'est deux points. On est en train de perdre les gens. Il y avait justement un moment, oui, bref. Oui, c'est pas compliqué grave. Avec Spider-Man et Longus. Ouais, donc en gros, voilà, ils ont visiblement, grosso modo, ils ont peut-être du mal à trouver un angle d'intérêt pour le personnage. Ça se finit avec Jonathan Hickman qui lui le malmène un peu, lui fait faire des choix un peu bizarres, notamment dans Secret Wars où il décide de laisser tomber le pouvoir suprême pour lui donner à Fatalis. Fort, super idée, merci les gars. En plus, il devient son bras droit. Est-ce que je peux spoiler un truc ? Non, ah, Secret Wars, oui, on peut, non ? Secret Wars, c'est pas sorti en VF, mec. Si, c'est sorti. C'est sorti en VF ? Mais en mensuel, donc ça faut pas. Ah mais si, je crois que c'est sorti en gros. Ouais, vas-y, vas-y, fais-toi plaisir. Vas-y, spoil. Il meurt. Secret Wars, enfin. Mais du coup, il est revenu, non ? Bah vu quel film, on a vu. Voilà, du coup, magie du cinéma, il revient donc en 2015 sous Jason Aaron au scénario. Et magnifique transition pour celui et qui en fait, c'est ce run-là dont on va vous parler, donc de Jason Aaron et de Chris Bacalo. Donc, moi, je vais vous faire un petit contexte vite fait sur qui est Jason Aaron et qui est Chris Bacalo. Donc, Jason Aaron, c'est un scénariste américain qui est très connu, notamment pour son travail chez Marvel, qui a beaucoup bossé sur Wolverine et Punisher, et qui est aussi connu pour un truc dont on vous a déjà parlé, puisque. C'est Sculpt, on avait déjà parlé en podcast ou en je sais plus. Oui, podcast, je crois. Ouais, podcast, ouais. Donc Sculpt, c'est une série indé chez Vertigo, je crois. C'était chez Vertigo. Ouais. Et c'est dessiné par Jason Latour. Tiens, et petit easter egg. Enfin, non, enfin. Hier, il y avait des croquis, des carnets de croquis de Jason Latour à gagner. Et j'en ai gagné un, je suis trop content. Alors, juste histoire de faire mon chien, c'est RM Guerra qui dessine Sculpt. Jason Latour, il est sur Thousand Bastard. Ah ok, bah je dis attention, la... hein. C'est je la voix de la caca. Sagesse. Je dis du caca, je suis désolé. Du coup, bah, Chris Bacalo, c'est mon dessinateur préféré. Et voilà. C'est... Tu changes d'avis vite. bon, Manapool, Bacalo, Manapool, voilà. Donc c'est un dessinateur canadien qui a beaucoup bossé pour Marvel et pour qui a aussi un peu bossé pour DC. Et on va passer directement au scénario. Et c'est Ruby qui va nous parler du scénario de ce run. Et oui, et donc... Le pitch de ce comic, c'est qu'on va retrouver Doctor Strange qui va devoir sauver la magie parce que en fait, des méchants vont vouloir la détruire. Donc ce qui est bien, c'est que le récit est assez simple et efficace. On peut le lire même si on n'est pas un gros fan ou un gros connaisseur de Doctor Strange de base. Ça permet aussi de retourner un peu sur le background du personnage. Donc on découvre un peu comment les sorciers marchent, enfin comment les sorciers vivent et comment marche la magie. Donc voilà, ça c'est un peu les points positifs. Le personnage est vraiment génial, il est très bien écrit je trouve, parce qu'il est vraiment drôle et un peu cynique, un peu à la Tony Stark je trouve, et très dragueur aussi, j'aime beaucoup, ouais, j'aime beaucoup ce côté de Doctor Strange qui est assez exploité dedans. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on retrouve un peu une magie personnifiée, donc il va avoir besoin de Doctor Strange au lieu de l'inverse, ça c'est plutôt pas mal. Et aussi on découvre, ça on l'a un peu toujours su, mais là c'est aussi beaucoup exploité, que la magie vient toujours avec un prix à payer, et que du coup Doctor Strange il fait pas juste jouer avec un petit livre des sorts, c'est que par rapport aux autres super-héros qui se battent avec un marteau ou ce genre de choses, il a vraiment des grosses responsabilités, parce qu'il doit prendre en compte beaucoup plus de facteurs que les autres personnages qui se tape juste dessus, on va dire ça comme ça. Puis la responsabilité de sorcier suprême de la Terre. Voilà, qui est c'est ça. Le sorcier suprême, forcément, a énormément de responsabilités. Et donc voilà, quand on joue avec la magie, il faut vraiment toujours faire très très attention aux retombées. Et donc voilà, je trouve que le scénario est vraiment, vraiment simple, mais bien écrit. Il est vraiment efficace. Donc même si vous n'avez pas beaucoup lu, j'avais pas lu de comics de Doctor Strange à la base, et je me suis bien amusée. C'est un peu compliqué. Ouais, il y avait ouais. Aucune parution VF jusqu'à maintenant. Ouais. Ouais, c'était pas facile. Assez chaud. Ouais. C'était pas forcément. Et même si tu connais pas trop l'univers Marvel, tu t'es quand même plongé dans aussi, le truc. C'est ça, ouais. C'est en plus, on découvre. C'est très New Riddler friendly. Il y a deux trois petits historiques, notamment à un moment on voit Wanda la sorcière rouge, on voit des autres. Putain merde. Magic. Oui, on voit Magic. Enfin, des autres sorciers. Utilisateurs de la magie. Mais ils sont présentés. Il y a pas de. Voilà. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que c'est un personnage qui donc utilise la magie. J'aime beaucoup cet aspect-là. Du coup, franchement, ça change un peu des récits de combat qui peuvent vite se ressembler. Donc c'est vraiment très très très bien écrit. Donc franchement. Voilà. J'aime bien aussi quand il sort sa grosse épée. Pour défoncer Jumos. Mais franchement, il a un côté badass. Ce côté que tu disais, l'utilisation de magie, qui est très très graphique. Et justement, voilà. C'est une transition parfaite. Thomas qui vient nous parler du côté graphique du comics. T'as vu comment c'est préparé. C'est préparé à l'avance et tout. C'est à l'américaine quoi. Donc, Chris Bacalo, on va un peu définir son style. C'est un mec qui a un trait assez unique, un style très proche du cartoonesque. Un peu. C'est fourni de détails à chaque fois ses dessins. Pour moi, c'est sûrement l'un de ses meilleurs travaux qu'il a fait sur Doctor Strange. Parce que avec ce personnage, Docteur Strange, on a une grande liberté avec ce personnage, parce que vu qu'il faut illustrer la magie. Il y a un côté très psyché et tout ça, il le fait super on bien. On ressent justement cet héritage de Steve Ditko qui faisait plein de trucs psychés, et là on retrouve un peu ça de façon moderne, dessiné du coup de façon moderne, et je trouve ça vachement intéressant, et ça fourmille de plein de petits monstres, justement fourmille de détails, et je trouve ça vraiment génial. Tout ce qu'il fait avec son écharpe au début, aussi, c'est génial. Ouais, il y a vraiment plein de petits trucs sur son écharpe qui est trop belle. C'est ça aussi. Il y a une grande mise en scène, je trouve, avec le découpage des cases qui est vraiment libre aussi. Enfin, genre le personnage peut sortir d'une case ou on a une pleine page et sur cette pleine page, on va avoir des petites cases qui vont s'interposer. Enfin, je trouve ça sympa comment c'est construit ce comics. Pour le coup, je trouve qu'en plus, il alterne vachement bien justement un découpage classique lorsque ça se passe dans le monde normal et un découpage complètement barré. Ouais, mais où t'as des personnages qui, comme tu dis, sortent de la case pour aller ailleurs lorsqu'ils passent dans les autres dimensions ou un truc comme ça. C'est vraiment bien. Il a une technique qu'il utilise quasiment tout le temps, je crois, qui fait qu'il va dessiner plusieurs fois les mêmes personnages dans la même case, et les dialogues continuent d'un personnage à l'autre. En fait, bon, tu comprends que les personnages se déplacent. Et là, pour le coup, ça carte super bien. Il le fait souvent, ça. Ouais, il le fait souvent. Alors, souvent, c'est assez bourrin, je trouve. Il a passé une période très compliquée, mais là, juste, c'est très clair, c'est vraiment... C'est fluide, c'est limpide. Ça passe super bien. Mais comme tu parles, Mathieu, est-ce que tu veux nous donner ton avis vite fait sur le titre ? Alors moi je rejoins l'avis des copains. Alors Jason Aaron, pour ceux qui auraient lu Wolverine and the X-Men et son Ghost Rider, c'est un peu pareil, c'est vraiment fun, c'est bien écrit. Wolverine and the X-Men qui était aussi avec Chris Bacalo. Oui, qui a fait Bacalo qui a dessiné. Hein. Et du coup, effectivement, c'est une bonne porte d'entrée. La première page, tu résumes qui est Doctor Strange. On n'en parle plus, c'est fait en une page, ciao. Et derrière, il modernise le personnage. Il le met un peu dans un coin vraiment magie, ce qu'on voyait pas trop avant dans l'univers Marvel, effectivement, où il y avait d'event avec des gentils qui se tapent sur d'autres gentils avec des méchants au milieu. Et pour le coup, il y a un vrai travail graphique, travaillé de Bacalo derrière. Il y a un vrai fil rouge où tu découvres même son quotidien, quoi. Tu découvres vraiment ce qu'il mange à midi. Tu découvres où il vit, tu découvres sa maison, une petite histoire derrière, c'est vraiment riche. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il met vraiment un énorme cadre, il y a énormément, encore une fois, de name dropping, comme tu disais, t'as plein de sorciers. Après, il est capable de te citer des noms d'autres sorciers ou même des noms de magie, comme avait fait Stalny à l'époque. Mmh. Et du coup, tu sens que derrière, il y a un gros, gros, gros truc. Il y a un gros héritage derrière. Quoi. Et c'est vraiment efficace, c'est simple, efficace, c'est du bon boulot. Donc, c'est un run qu'on vous conseille, et on va passer à la deuxième pause musicale. Et c'était un titre choisi par notre ami Thomas. Ah oui, donc c'est David Bowie, Moon Age Daydream, qui est un super bon titre qu'on retrouve du coup dans Les Gardiens de la Galaxie. Voilà, yes. Allez, à tout de suite. I'm an alligator. I'm a mama papa coming for you. I'm a space invader. I'll be a rock and rolling bitch for you. Keep your mouth shut. Space, space, close to Et donc c'était Moon Age Daydream de David Bowie. Vous êtes toujours sur Radio Campus Montpellier sur le 102.2 et c'est Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde du comics. Bravo. Wow. Il y en a un qui suit. Ouais. Donc on va vous parler. Avant, on vous a parlé de Doctor Strange, de Jason Aaron et de Chris Bacalo. Mais pourquoi et on vous parlerait pas aussi du film qui va sortir demain? Demain, oui. Donc c'est toujours le même pitch. Donc Doctor Strange, qui est un chirurgien un peu. Je trouve pas mes mots. Égocentrique. Un chirurgien de talent qui prend un accident de voiture et qui perd l'usage de ses mains, en fait il tremble et tout, donc il peut plus faire de la chirurgie et la chirurgie c'est toute sa vie, donc il va essayer de trouver tous les moyens possibles pour retrouver l'usage de ses mains et en cherchant, je suis en train de repitcher ce que tu as dit il y a 30 secondes. Absolument pas. Donc le comic s'est écrit en 1963. Ouais, voilà. donc on part sur un film très très psychédélique et très pour une nouvelle phase de Marvel. Il y a un style un peu d'après les bandes annonces, il y a un truc un peu à la Inception, j'ai l'impression, mais qui va bien du coup avec le comics. Ouais, donc le côté, on retrouve le côté psyché, tout ça. Et c'est Dominic Cumberbatch. Donc, est-ce que Ruby, tu peux nous Bénédicte dire qui aussi, est Dominic Cumberbatch qui joue Doctor Strange? Eh bien, je crois bien que c'est Sherlock. Hein, voilà, Sherlock Holmes. D'où ma blague de début, si vous ne l'aviez pas compris. C'est ça, donc c'est plutôt cool de le retrouver. Il va être bien connu. Après, à voir, mais je pense que ça va être un très très bon Doctor Strange. Et il n'y a pas que lui au casting, puisqu'on a aussi Mads Mikkelsen. Donc, Mads Mikkelsen, c'est Hannibal dans la série Hannibal. C'est le méchant. Dans James Bond, je sais plus lequel. Je sais plus. Oui, c'est le chiffre, mais je sais plus dans lequel il est. Enfin bon, c'est un acteur très très très très bon et très connu aussi. Il y a aussi Tilda Swinton, c'est la meuf qui change de visage et de physique à chaque rôle qu'elle fait. Un look très androgyne. Ouais. Donc moi, c'est un film qui me hype beaucoup. J'ai peur et j'ai une petite peur de revoir encore une fois la énième formule Marvel. Ouais, exactement ça. Est-ce que ça va renouveler le truc? J'espère. Au vu des bonnes annonces. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que j'ai entendu beaucoup de retours comme quoi c'était ça changeait. C'était toujours la même formule, mais qui essayait de proposer quelque chose. Un peu chose en mode Gardien de la Galaxie. Ouais, voilà. C'est surtout le style en fait du film qui va un peu changer avec le côté un peu psyché et tout. Mais Il y a apparemment c'est pas une origin story, donc on n'aura pas le droit. Enfin, il y a le côté origin story avec le personnage qui robe ses pouvoirs, tout ça, mais ça va beaucoup plus vite et on part direct sur des trucs un peu plus conséquents. Voilà. Donc, petit tour de table, est-ce que vous êtes hypé par le film, Mathieu? Est-ce que tu es hypé par le film? Moi, je crains énormément la recette Marvel. Je vais y aller, bien sûr, et puis je vais essayer d'en profiter, mais je crains d'avoir vu et revu déjà plusieurs fois ça. Je sais pas s'ils peuvent prendre des risques comme ça sur des films. J'espère me tromper, mais on verra bien. La bonne annonce avait l'air quand même assez bourrine, parce que je m'attendais pas trop à ça. Mais moyen. Thomas, vite fait. Franchement, c'est à peu près pareil que Mathieu. J'ai un peu peur qu'ils reprennent un peu le même genre de recette et tout. Enfin, on est blasé. Je suis presque sûr et certain que ça va être la même recette. Je sais que j'ai passé un bon moment, mais que c'est un film que je vais vite oublier, que je vais regarder qu'une seule fois en gros. Ok, ça... Ruby. Alors pareil que là, j'ai très peur de l'histoire beaucoup trop simple, mais par contre je suis vraiment très très hypée par l'image en fait du film, vraiment le côté piqué, ça change un peu du modèle Marvel, je trouve, en tout cas niveau image, donc c'est vraiment ça que j'attends. Et moi je suis un peu comme vous, je suis hypée par le film mais j'ai un peu peur, donc on va voir ça cette semaine et on vous en parlera la semaine prochaine. Petit teaser, la semaine prochaine on va faire une émission spéciale Halloween. Donc on va vous parler de titres un peu d'horreur ou un peu d'Halloween. C'est pas grave. Ça sert pas à grand chose. Mais bon. Donc voilà, est-ce que vous pouvez rappeler Ruby et Thomas, j'avais oublié ton prénom. Merci James, c'est vachement sympa. C'est plus compliqué des deux en plus. Hein. Alors, donc, vous pouvez nous retrouver. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Sur la chaîne Le Geek Chic. Voilà, tout simplement, et on essaie de poster une vidéo par semaine, on y arrive, pour l'instant on tient la cadence. Bon, j'aimerais pouvoir avoir votre rendement. Et sur la page Facebook Facebook, Le Geek Chic, on met des petites news de ce qu'on fait, Okay. Exactement. Et sachez que vous pouvez retrouver aussi Comics Discovery sur PodCloud, donc en podcast sur iTunes. N'oubliez pas que si vous nous écoutez en podcast, vous pouvez nous mettre 5 étoiles et nous mettre un petit avis sur iTunes, plus on sera référencé sur iTunes. iTunes et mieux, on sera mis en avant par le site. Un autre truc, c'est que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et c'est tout, je crois. Instagram aussi. Et la voilà, totale. Je crois que c'est tout. On a conclu, on va envoyer la petite chanson de fin. Et c'est Sympathy for the Devil de The Rolling Stone. Et là, c'est le remix de Fight Boss Team. Moi, je vous dis au revoir. Moi aussi. À la prochaine. Eh bien, écoutez, à la prochaine. Voilà, la semaine prochaine. À la semaine prochaine, bye bye. À la semaine prochaine. Bisous. I've been around for a long, long year. I stole many a man's soul of faith.